Occupez-vous de là, les trop gros, les trop petits, les trop grands, les trop courts, les fans, les colorés, les épiques, les dépassés, les laids, les trop beaux, les sans-abri, les marginaux. Sortez du décor, les squeegees, les malpris, les papis, les incompris, intoxiqués, névrosés, déprimés, mal aimés, les drogués, les alcoolos, les vieux beaux, les schizos. Vous faites peur au sapin, avec vos gros pieds, vos gros grosses mains. Vous faites peur au sapin, avec vos ailes. Quand j'étais tout petit, à l'école, à la maison, à l'église, au centre d'achat, on m'a dit, on criait, ordonné, répété, on n'embarque pas avec du monde qu'on connaît pas, on le parle même pas. Ça fait que regardez-moi pas les bizarres, les avares, les étranges, les bizarres, les masqués, les déguisés, les maladies qui sont à pied, même les gros riches qui marchent avec un caniche. Vous faites peur au sapin, avec vos gros pieds, vos gros grosses mains. Vous faites peur au sapin, avec vos ailes de terre de bouin. Noël, c'est la fête de la beauté. Noël, c'est la fête des gentils, c'est réservé. Avec vos ailes de pain de pingouin. Boulou, boulou. Boulou, boulou.